Chapitre 4. Martha Cohen habitait avec sa sœur aînée Rachel rue des Quarts d'heure, dans le quartier jadis appelé la Juiverie, qui n'était pas, comme certains le croyaient, mal famé, mais peuplé de gens simples et besogneux. On y travaillait beaucoup, on y dormait moins, et on y mangeait encore moins. Leur petite maison étroite, à deux étages, tout en hauteur, était sombre et humide. Bien qu'ayant de bien modestes revenus, elles en étaient toutes deux propriétaires. Très jeunes, elles avaient perdu leurs parents. Le père était mort écrasé par une charrette, et la mère avait été emportée par la typhoïde. En attendant qu'elles pussent subvenir à leurs besoins, la communauté juive s'était occupée d'elles. Rachel exerçait désormais le métier de matelassière, rebattant les matelas et les bourrant de laine neuve que lui fournissaient les confrères quart d'heure, nombreux dans ce quartier. Martha, elle, s'était faite une petite clientèle comme lingère. Ce n'était pas l'opulence, mais elles gagnaient honnêtement leur vie en ne prenant jamais de vacances. Toutes deux étaient veuves et, à la quarantaine, elles avaient abandonné toute velléité conjugale, trop prise par leur métier. Chacune avait été mariée, mais le sort avait continué à s'acharner sur elle. Rachel avait épousé un jeune artilleur qui avait été décapité à Sedan. Le mari de Martha, charpentier, avait succombé à la tuberculose. L'une comme l'autre avait pourtant trouvé moyen de remercier l'Éternel. Rachel, pour avoir évité à son mari de souffrir, et Martha pour ne pas avoir contracté le bacille de la maladie. C'est assez dire qu'elles avaient entièrement remis leur vie entre les mains du Très-Haut. Le samedi, respectant scrupuleusement le Shabbat, les deux sœurs ne travaillaient pas et restaient chez elles. Vers 3 heures de l'après-midi, on toqua la porte d'en bas. Ne recevant que rarement des visites, chacune se précipita pour descendre ouvrir. C'est finalement Martha qui, la première, découvrit Madeleine, les traits tirés et l'air préoccupé. « Madame Morel, qu'est-ce qui vous arrive? Entrez, ne restez pas dehors. » Les deux femmes montèrent à l'étage où Madeleine salua Rachel. « En revenant de visite, j'ai trouvé mon mari mort au beau milieu de la cuisine. Vous parlez d'une histoire ?» dit-elle en se laissant tomber sur une chaise. « Mais comment ?» demanda Martha. « Il était pourtant en bonne santé. » « Remettez-vous, Madame Morel. Vous devez être secouée, » lui dit Rachel. « Tenez, buvez un verre d'eau. Racontez-nous, ça aide. Et puis avec ce vent, qu'elle plaît. » Rachel s'exprimait d'une voix douce et lente, celle qu'on adopte pour calmer les enfants. Elle parlait toujours ainsi, même à ses clients, et cela correspondait bien à son physique tout en rondeur. Martha, râblée et vive, était moins avenante. Madeleine les mit donc au courant de l'événement, sans entrer vraiment dans les détails. L'air éploré des deux sœurs ne réussit pourtant pas à lui tirer une larme. « C'est un accident idiot, » se lamenta Martha. « Le pauvre n'avait pas mérité ça. » « Tu dis des bêtises, ma sœur, » rétorqua Rachel de son ton ouaté. « Aucun homme ne mérite la mort. Quand allez-vous l'enterrer ? » continua-t-elle. « Lundi matin, les pompes funèbres sont venues me prévenir. » « Ah oui, dans votre religion, on n'enterre pas le dimanche, » remarqua Martha. « Vous aurez le temps de prévenir les gens ?» interrogea Rachel. « J'ai déjà commencé à faire passer le mot, avec ces petites, et les nouvelles circulent vite. De toute façon, en cette saison, nous ne pouvons pas attendre 30 ans. Il faudrait habiller Morel. En tout cas, je ne peux pas y arriver seul, il est bien trop lourd. » « Et vous êtes venu demander qu'on vous aide, c'est ça ?» dit Martha sans détour. « Eh oui, ce serait gentil. Ma mère ne pourra être là que dimanche après-midi, et même à deux, je crois que ce sera impossible. « Aujourd'hui, on ne peut pas, Madame Morel. » « C'est Shabbat. Nous, on ne doit pas toucher les morts ce jour-là. »« Mais dès demain matin, je viendrai vous aider, » déclara Martha. « De toute façon, habillé ou non, il reste sur son lit et le temps fait tout de même son œuvre, vous me comprenez. » Madeleine baissa la tête. Martha avait malheureusement raison. Tant que Morel ne serait pas sorti de la maison pour sa dernière demeure, la nuisance serait la même, en chemise ou en redingote. « Pourquoi n'allez-vous pas demander de l'aide à Marie Pouleuf ? Elle est dégourdie et vigoureuse. » Marie Pouleuf était une jeune femme qui élevait une dizaine de poules et vendait leurs œufs au marché. En réalité, elle se nommait Rour, mais tout le monde la connaissait sous le surnom que lui avait valu son activité. Elle habitait rue Aumône-Vieille au rez-de-chaussée d'une maison, et ses poules s'ébattaient dans une petite cour intérieure entièrement fermée. Dans le vieil Aix, Il n'était pas rare de trouver des maisons dans lesquelles on élevait des lapins, des volailles, et même, dans le faubourg, des vaches. Ainsi, on n'avait pas à payer l'octroi pour les marchandises, puisqu'elles provenaient de la ville même, et leur prix était sans concurrence. Il suffisait de rencontrer Marie Pouleuf une seule fois, pour en garder un souvenir excitant. Intelligente et délurée, la jeune femme ne passait pas inaperçue. Elle était repasseuse et travaillait à domicile ou bien chez une femme qui tenait boutique quand cette dernière réclamait son aide. Très jolie, elle avait le chic pour mettre son corps en valeur, avec un rien coquin qui tournait la tête des hommes. Toutefois, elle ne rechignait pas la besogne et gagnait honnêtement sa vie, n'ayant jamais succombé à ceux qui lui proposaient de l'entretenir. « Oui, Marie, j'avais pensé à elle aussi. C'est vrai qu'elle est dégourdie, » reconnut Madeleine. « Je sais à peu près où elle habite, rue Aumône Vieille, mais... » « Vous n'aurez qu'à vous guider au caquettement des poules, » dit Rachel en souriant. On se donna donc rendez-vous pour le lendemain 9 heures, et Madeleine prit congé des deux sœurs. Martha la raccompagna au bas de l'escalier, et songeuse la regarda s'éloigner. Pourquoi Martha n'avait-elle pas dit à Madeleine que la veille elle s'était rendue chez elle dans la matinée avec une corbeille de linge propre? Elle était passée par la porte de la cuisine dont la serrure n'était pas fermée. De toute façon, elle possédait une clé de cette porte, tout comme Marie d'ailleurs. Selon un rituel établi, elle déposait le linge propre derrière la porte et prenait la corbeille de linge sale que lui avait préparée Madeleine. Ainsi, il n'était pas nécessaire qu'elle dérangeât sa patronne. Cette matinée-là, Madeleine, absente, n'avait pas préparé le linge sale. Martha laissa donc la corbeille du propre et se préparait à partir quand elle perçut des éclats de voix venant du fond de l'appartement. Elle reconnut celle de Morel qui riait à gorge déployée. Une femme lançait également quelques cris perçants qui faisaient redoubler l'hilarité de Morel. Puis Martha entendit des pas précipités dans le couloir. Le sol de l'appartement tremblait, certainement sous le poids de Morel, ce qui acheva d'affoler Martha. Sans demander son reste, elle se glissa sur le palier en tirant la porte. Elle rentra directement chez elle et ne parla de rien à sa sœur.